Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre émission intitulée Vérité. Vérité, nous vous la demandons et nous vous la devons. Vérité, nous allons vous la donner à vous, peuple français, sur ce groupe intitulé La Brigade, ce groupe composé de 12 hommes qui se sont levés pour crier contre ce système. Autour de ce concept bien connu, l'union fait la force, ils ont rassemblé des centaines et des millions de jeunes. Ils ont inspiré la révolution. Nous en saurons un peu plus au travers de témoignages. Nous nous sommes déplacés dans les rues. Nous avons demandé aux gens pourquoi la brigade ? Pourquoi ?